Il courut chez un dame de Nucingen et la trouva dans son lit. « Je suis souffrante, mon pauvre ami, lui dit-elle. J'ai pris froid en sortant du bal. J'ai peur d'avoir une fluxion de poitrine. J'attends le médecin. »« Eussiez-vous la mort sur les lèvres ? » lui dit Eugène en l'interrompant. « Il faut vous traîner auprès de votre père. Il vous appelle. Si vous pouviez entendre le plus léger de ses cris, vous ne vous sentiriez point malade. »« Eugène, mon père ne veut pas aussi malade que vous le dites. Mais je serais au désespoir d'avoir le moins de tort à vos yeux, et je me conduirai comme vous le voudrez. Lui, je le sais, il mourrait de chagrin si ma maladie devenait mortelle par suite de cette sortie. Eh bien, j'irai dès que mon médecin sera venu. « Ah, pourquoi n'avez-vous plus votre montre ? » dit-elle en ne voyant plus la chaîne. Eugène rougit. « Eugène, Eugène, si vous l'aviez déjà vendue, perdue, oh, cela serait bien mal. » L'étudiant se pencha sur le lit de Delphine et lui dit à l'oreille. « Vous voulez le savoir ? Eh bien, sachez-le, votre père n'a pas de quoi s'acheter le linceul dans lequel on le mettra ce soir. Votre montre est en gage. Je n'avais plus rien. » Delphine sauta tout à coup hors de son lit, courut à son secrétaire, y prit sa bourse, l'attendit à Rastignac. Elle sonna et s'écria « J'y vais, j'y vais !»« Eugène, laissez-moi m'habiller. » « Mais je serais un monstre. » « Allez, j'arriverai avant vous. »« Thérèse » cria-t-elle à sa femme de chambre, « dites à monsieur de Nucingen de monter me parler à l'instant même. »